بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من الموضع الثاني et on l'a révisé أمس، فon commence الثالث. قال شيخ الإسلام رحمه الله الموضع الثالث، الموضع الثالث من السيرة. Le troisième point qu'il a choisi رحمه الله de la biographie du prophète عيسى والسلام. قال قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم أي بحضرة المشركين. أي le prophète والسلام il a lu سورة النجم. سيأتي معنا فرأيتم اللات والعزى إلى آخره. Les mushrikes ils étaient présents. Cette قصة la ضعيفة سيأتي معنا. Elle s'appelle Qissat al-Gharaniq. Et elle est daïfa. Elle est daïfa. L'imam Nukathir, rahimahullah, comme marra ma'ana fi dars al-Sheikh, hafidahullah, dars tafsir ibn Kathir, anna l'imam Nukathir, il a da'afa Qissas, une Qissa munkara. Bah, l'ulama, ils disent là, que l'hafid ibn Hajar, il a un kalam fi l'fath, Sheikh al-Fawzan, il va le citer. قال ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء. يقول القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعضا. الحافظ ابن حجر يقول لك القصة ثابتة. Elle est ثابتة. Il y a beaucoup de chaînes de transmission qui montrent que cette histoire elle est arrivée. والأقرب c'est قول ابن كثير. Demain بإذن الله on essaiera d'emmener son قول. فاليوم on a oublié et demain inchallah on aura la qawl d'Ibn Kathir et si on peut qawl Cheikh Al-Albani qawl Cheikh Muqbil et on verra que la qissa est da'ifa lakin ala qawl ala al-qawl bi sihhatiha on va lire le kalam de ce troisième point. Fa anta tu sauras anna yad ulama ils voient yanna la qissa elle est pas authentique. Il y a des autres ils voient qu'elle est authentique. Et Allah le plus la vie le plus proche c'est qu'elle est daïfa. À la kulli hal, nous on va lire il y a des fawa'id. Qala. Enfin, cette histoire, nous on la résume en deux mots. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu Sourate An-Najm, fa ra'aytum Allata wal 'Izza ila akhirih. Et Shaytan, la'anahu Allah, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu un verset, Shaytan, il a fait croire aux mushrik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit autre chose. نحن الآن وعليه en détail. قال فلما بلغ فرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. Le prophète صلى il a lu le verset فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الشيطان il a rajouté تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. أي Shaitan, il a fait croire aux mushrikin que Allat, Wal-Uzza, Wamanat, le prophète sallam, il s'est arrêté ici. Shaitan, il leur a fait croire, ces trois, tu peux leur demander Shafa'a. Les mushrikoun, ils ont entendu ça, ils sont tous prosternés. L'Allah ta'alamoun, fi surat Najm, il y a un verset où tu te prosternes. Le prophète, il s'est prosterné, ils sont tous prosternés. L'Allah, ils se sont dit, khalas, le prophète sallam, il est d'accord avec nous. Aïe, on a le droit de demander intercession à Lat ou à l'Uzza il a fait. C'est ça le qissa. Et elle est daïfa comme elle t'a dit. Lakin, à la forte shihatia, vous allez voir qu'il y a une faïda adime. C'est quoi la faïda l'an? Pourquoi, à votre avis, Cheikh l'Islam il a cité ça? Rapport avec Tawhid, toujours. Ce qui veut te montrer, Cheikh l'Islam, Anna, le deuxième point, on avait dit Anna, le mushrik. Dès qu'il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le combattait, il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-An, le mushrik, il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'accord avec lui, khalas, il le suit. Hada, ça te montre, alaykum salam. Anna, le mushrik, si il voit que tu combats ses idoles, il va te combattre. Mais s'il voit que tu es d'accord avec lui, ou tu lui fais comprendre que tu es d'accord avec lui, ils ont cru, Shaitan, il leur a fait croire à Allah, ils ont tous fait ce jour. Ils ont suivi le prophète Aïssa. Lakin, vous allez voir la suite. Dès qu'ils vont comprendre que le prophète Aïssa n'était pas d'accord, et le prophète Aïssa n'a jamais dit ça. Enfin, vous allez voir, ils vont le recombattre comme ils le combattaient avant. Al-An, avec cette histoire, à la force Shaitan, tu comprends pourquoi le mouchri qui combat le musulman. Demain, il y a le sunni, il y a le mouhid. Demain, tu viens, maintenant, tu appelles au din. Tu mets en garde contre Al-Kuf, contre Shirk, tu mets en garde contre les juifs, les chrétiens. Tout le monde va te cataloguer de terroriste, il a akhri. Tout le monde aille, yani Al-Kuffar et le Juhal. Demain, tu changes. Tu dis là, en fait, il faut respecter les autres religions. En fait, c'est nos frères. Tu vas voir, tout le monde va t'élever. Ça montre que Al-Kuffar, ils sont d'accord si tu les suis. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُ فَالْكَافِرِ لِهَا كَذَا. Si tu critiques son dîne, il te combat. Si tu te tais, Mimbab Aoula, tu dis que son dîne il est bien, il a il voit que tu es d'accord avec lui, khalas. Il n'est pas comme les autres, c'est un modéré, il n'a pas des pensées extrêmes et tout le calme qu'on entend. Lakin, anta, yuhal muslim, tu ne regardes pas Foulan ou Foulan. Abedin. Anta, l'essentiel c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Tu veux satisfaire tout le monde, c'est un objectif, c'est un but, il est impossible. Abedin. Léana, si tu veux satisfaire les koufars, i'lam, anna. Al-Mu'ahidin, Al-Muslimin, ils ne seront pas d'accord avec toi. Abedan. Et si tu suis ton dîn et tu t'accroches, Al-Kuffar ne seront pas satisfaits de toi. Enfin, choisis ton camp. Choisis ton camp, Al-Muslimin. Tu es un musulman. Tu dois rester avec les musulmans. Innama al-mu'minuna ikhwa. Hakada, yaqul Allah Azza wa Jal. Mu'minuna, les musulmans. Ceux qui croient au Coran, ils croient au prophète, ils croient en Allah, ils ne font pas de shirk. Haoula, c'est des frères. Enfin, ne laisse pas tes frères pour les ennemis d'Islam. Wallah, ils seront d'aucune utilité pour toi, fit dunya, et encore loin, fit akhira. Mais le musulman, fit dunya, c'est ton frère. Al-mu'min, lil-mu'min, kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ton frère, dans la difficulté, tu le trouves. Ton frère, dans la difficulté, tu le trouves. Kadalik, fit akhira, ton frère, il peut te faire shafa'a. Wallah, le kafir, il n'a aucune utilité, ni fit dunya, ni fit akhira. Wallah, le kafir, c'est un poids. Kama wasafahum Allah subhanahu wa ta'ala, sharrul bariyya. C'est la pire des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sharrul Bariya. Alors, on n'a pas le droit d'élever Sharrul Bariya. On n'a pas le droit d'aimer Sharrul Bariya. Abadan. Nous, ce qu'Allah il déteste, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rabaissé, on le déteste et on le rabaisse. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné de la valeur et il a élevé, on lui donne de la valeur et on l'élève. Hakada yuhal muslim, t'as un dîn. T'as un dîn, t'as une aqida, t'as un prophète. Enfin, al-an, on a compris, sur l'islam, il voulait en venir où avec cette histoire. قال فظنوا أي المشركون فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. Ils ont cru que c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a parlé. Là, le prophète il récitait. Le shaitan il est venu et il a imité la voix du prophète صلى الله عليه وسلم. Eux ils ont cru que c'est le prophète qui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? ففرحوا بذلك. مشركون combattent le prophète صلى الله عليه وسلم. Dès qu'ils ont entendu ça, ils ont été contents. Ça te montre que ce qui les mettait en colère et ce qui les poussait à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils critiquaient leurs idoles. Dès qu'ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien parlé de Manat, Lat, Uzza, tu pouvais leur demander l'intercession, Andor. Ils sont d'accord. Ils ont été d'accord avec lui. قال ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معنا هذا الذي نريد ونحن نعرف ان الله هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. نعم. هذا معنى الكلام qu'ils ont dit, ils ont dit نحن الان on est d'accord avec Mohammed. On sait que nos statues, elles nous donnent rien, elles nous enlèvent rien. Le créateur, c'est Allah et l'Akhir. Lakin, seulement l'intercession. Vu que le calame de Shaitan, c'était sur l'intercession, ils ont pensé que le prophète était d'accord avec eux. Il n'y avait plus de point de discorde entre eux et le prophète. Ils ont cru à Qissa Aslan. On le répète et on le répète. L'histoire Aslan, elle est daïf. Hein. Et même si elle est authentique, elle a le qawl, si on prend l'avis de certains savants, elle est authentique. Enfin, le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a jamais dit ça. Shaitan. Il veut égarer Haoula. قال فما فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا. سجد أي le prophète عليه الصلاة والسلام. وسجدوا معه. نعم لما بلغ السجدة في سورة النجم. Vers cette prosternation, le prophète s'est prosterné. Tout le monde s'est prosterné. Al-Kuffar, ils sont prosternés. قال فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى الشر مما كانوا عليه. Les compagnons qui ont fait la hijra, il a le hadasha, ils ont entendu ça. Ça a lancé une grande rumeur. Anna à Mecca, khalas. Les kuffars, ils ont suivi le prophète. Et le prophète, il s'est mis d'accord avec eux. Khalas, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient à l'Hadasha? Ils sont revenus. Ils sont revenus. Thumma. Les mouchriquons, ils ont compris que le prophète, il n'a jamais dit ça. Il n'était pas d'accord. Le prophète, il a continué à combattre leurs idoles. Ils l'ont combattu. Et les ont dit, t'as dit kada, t'as dit qu'on pouvait demander intercession. Il a akhiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il autorisera à prendre un intermédiaire entre la personne et Allah. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à adorer Allah seul. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. Qala khawfan azima hatta anzala Allah alayhi wa ma arsalna min qablika min rasul wa la nabi illa idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi. Le verset, il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna ash-shaytan, avec tous les prophètes il fait had. Le prophète il parle et shaytan il emmène un kalam, il fait croire aux gens kalam. Al-umniyah huna idha tamanna bimana tilawa, aïe la récitation. Aïe, un prophète s'il récite, et Shaitan il vient et il mélange la récitation. Maintenant il rajoute un mot, il rajoute une phrase. Et le kafir il croit que. Had. Et on répète la qissa les da'if. Qala, faman fahima hadi la qissa, ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله. خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. صحيح أن سلبك أكون قصة قصة ولا ضعيفة لكن على قول القول بصحتها elle te montre bien pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم il a combattu les mouchriques et pourquoi les mouchriques ils ont combattu le prophète صلى الله عليه وسلم. انظر, c'est pas une histoire de terre, abadan, c'est tous des mécois. C'est pas une histoire d'argent, abadan. Ils ont proposé au prophète صلى الله عليه وسلم de devenir leur roi. Ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le marier avec la plus belle femme, la femme qui a le plus haut rang, fi Mecca. Ils ont proposé au prophète kada wa kada wa kada. C'est pas une histoire de dunya, abadan. C'est pas une histoire, le prophète c'est un étranger, abadan. Il est de leur tribu. Ils connaissent son père, son grand-père, il a akhalé. Enfin, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué leurs idoles. Il a critiqué leurs idoles. Afara'aytumu Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al Ukhra. C'est ça, c'est à compris cette qissa. Qissa les da'ifa. Lakin, avec des autres adillah, on a compris nahnu hada. Mais cette histoire, on ne peut pas la prendre comme argument. Elle est faible. Avec des autres hadiths, des autres versets, t'argumentes anta. Qala Cheikh al-Fawzan, hadi al-qissa, allati dhakaraha al-Cheikh, na'am, min qissas al-Sira al-Nabawiyya, tusamma qissa al-Gharaniq. Et les ulama, ils parlent beaucoup de cette qissa. Beaucoup. Est-ce qu'elle est authentique comme là? Khassatan, fi kutub al-Tafasir. Dès qu'ils expliquent le verset, fi surat al-Hajj, fi surat al-Najm, ils expliquent. On a dit, al-qawl al-rajih, c'est que la qissa est da'ifa. Qal wa hiya kama dhakara annahu sallallahu alayhi wa sallam, lamma qara'a surat al-Najm fi Mecca, wa indahu al-mushrikun wal-muslimun, falamma balaga, ay al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qawlahu ta'ala, afara'aytumu al-lata wal-uzza, wa manata al-thalithata al-ukhra, fahiya akbar asnam al-arab. Al-an, fi surat al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des trois plus grandes idoles de l'arabe. Afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat al-thalithata al-ukhra. Les trois, il va nous les expliquer Cheikh Fawzan, et nous on avait vu hada dans plusieurs durus. On lit qala al-lat fi ta'if, cette statue, cette idole, elle est fi ta'if. Ta'if, ta'rifoun, c'est une ville pas loin de Mecca. Jusqu'à aujourd'hui elle s'appelle ta'if. À l'époque, il y avait cette statue Allat. قال وكما سبق بيان هذا انه رجل صالح كان يطعم الحديد. C'est une personne pieuse, il prenait soin des hudjaj. Il leur donnait à manger et à akhri. قال فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحين كما كان اهل الجاهليه يفعلون ذلك ويطلبون منه الشفاعه عند الله لانه رجل صالح. C'est exactement ce qu'ils font بعض الضلال الان. Il se prétend musulman, il fait exactement comme ils ont fait Haoula, Al-Kuffar, Kuffar Quraysh. Al-Lat, c'est Radulun Saleh. Personne Saleh, il prenait soin des Hujjaj. Dès qu'il est mort, ils l'ont adoré, min dounillah. Est-ce que prophète sallam il a dit c'est pas grave, abadan, le prophète sallam il les a combattus. Fakif a eu un musulman aujourd'hui, il y a des personnes qui prétendent là, c'est un homme pieux, moi j'adore pas une statue. Cet homme pieux pour toi c'est devenu comme une statue, tu l'adores. Lui il a rien à voir si c'est un pieux, il est pas d'accord avec toi. Lakin toi, ta position c'est comme si t'adores une statue, il y en a, il y a pas de différence. T'adores une statue, un homme pieux, une pierre, un ange, t'as adoré autre qu'Allah. Azza wa jal. Qala wal uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafat. Ou Arafat, vous connaissez tous. Al-Uzza, il est qarib min Arafat. Qala wa huwa ibara an shajarat alayha bunya yatabarrakuna biha. Al-Uzza, na'am, c'est des arbres, et ils ont fait une construction là, et il y avait des djinns. Et eux, ils adoraient cette construction, wal'ayadu billah. قال واما منات فهي صنم بين مكه والمدينه قريبا من المدينه عند المشلل كان المشلل هكذا قريبا من جبل قديد وكانت لاوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها فهذه التي بغى المدينه فالنبي prophet عليه الصلاه والسلام الان il combat les trois اي le fait d'adorer les trois لان يسك العرب ils adorent ces trois statues le prophet sallam il a pas dit on se tait c'est pas grave. C'est un homme pieux, abadan. Abadan. Et tous les problèmes qu'il a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est illa min hadha al-bab. Qala, wallahu jalla wa ala yaqula fara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra ay akhbiruni an hadhihi al-asnam. Qawluhu afara'aytum. Est-ce que vous voyez ou vous connaissez ou qu'est-ce que vous pensez de l'lat wal-uzza? Qu'est-ce qui te donne le mort que tu demandes hada? Qu'est-ce qui te donne? C'est un bachar comme toi. Il a eu les mêmes problèmes que tu as eu, il a la même faiblesse que tu as eu. C'est un serviteur comme toi. Limada, tu l'adores et tu délaisses Rabb al-Ibad. Limada, tu lui demandes, limada, tu places ta confiance en lui. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit hada. Qala ayakhbiruni an hadhihi al-asnam hal tanfa'ukum wa hal tadurrukum wa hal dharratkum bal innaha lam tadfa' an nafsiha li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha Makkah haddamaha. Sahih. Wallahi ces statues elles peuvent rien donner. Et elles ne peuvent rien enlever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a conquis Mecca, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, une des premières choses qu'il a ordonné, c'est de démolir ces trois statues. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il a brûlé les arbres. Al-Uzza. Al-Uzza, la statue, l'idole au milieu des arbres, la construction. Khalid ibn al-Walid, il a tout brûlé. Et il a tué la dinniya qui était à l'intérieur. Un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mouhid, andr. Il a rien pu faire. Ni le djinn ni la statue, abadan. Les deux autres kadalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ali, il a envoyé Kathir, mais les sahaba, ils ont détruit ces idoles. Est-ce qu'elle leur a fait un mal, abadan? Fakif, tu veux qu'anta, ayuha al muslim, ce mort il te protège? Ou cette statue, ou cette pierre? Wallah, ba'd al-muslimin, ils ont aqida dans des pierres. Il croit que cette pierre ou cette terre qu'il a pris de la tombe de Sidi Foulan, elle peut le protéger. Le Sidi Foulan, wallah, il ne peut pas se protéger lui-même. Comment il va te protéger toi? Celui qui protège, c'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bal innaha lam tadfa' an nafsiha li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha Makkah haddamaha wa law kanat aliha lamana'at an nafsiha wa dafa'at an nafsiha. Fallah yubikhu al-mushrikeen alladhina ta'allaqu bi hadhihi al-asnam allati la tanfa' wa la tadur. كيف انت تضر une chose, cette chose elle se fait brûler. نحن نضر الله سبحانه وتعالى القوي العزيز. قال فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ألقى الشيطان أي صوت الشيطان. نعم un son. Le prophète صلى الله عليه وسلم il disait et lui il a fait croire que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit هذا. قال بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني cette parole qu'il a dit il l'a fait rentrer dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est comme si le prophète صلى الله عليه وسلم il l'avait dit. Le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait هو il a lancé هذه الكلمة. المشرك vu qu'il n'a pas de tawfiq min Allah, vu que c'est un valim, c'est une épreuve pour lui. C'est une épreuve. Il a cru que le prophète sallam il a vraiment dit ça. Qala wa hiya tilka al-gharaniq al-ula wa inna shaba'atuhunna la turtaja hadha kalam min ash-shaytan dassahu fi tilawat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam ya'lam bidhalik. Le prophète sallam il était pas il avait il savait pas hada. Le prophète sallam il a pas entendu quoi. Le prophète sallam il a récité. Qala walakin al-mushrikeen ففرحوا وقالوا ذكر آلهتنا بخير وهذا الذي نريده نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن نحن نريد شفاعتها. C'est ce qu'il voulait le mushrik. C'est ce qu'il voulait. Dès qu'il a entendu هذا, il a dit خلاص. On n'a plus de problème avec Muhammad. Nous c'est ce qu'on voulait. On sait qu'Allah c'est lui le créateur et l'akhir. Lakin des intermédiaires. Ils intercèdent pour nous. فقط. قال إن شفاعتهن لا ترتجى أي المشركون ils ont dit هذا ils ont dit خلاص محمد il a dit c'est bon on peut espérer leur shafa'a la turtaja أي ça vient de raja أي tu peux espérer que Al-Lat ou Al-Uzza ou Manat tu peux espérer qu'elles intercèdent pour toi هكذا ils ont compris هكذا قال فلما بلغ صلى الله عليه وسلم آخر السورة وهو قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا فالبروفيت صلى الله عليه وسلم يسيب خستغني ils l'ont tous suivi قال سجد أي عليه الصلاة والسلام فسجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية حتى إن الوليد ابن المغيرة et c'était من رؤوس الكفار الوليد بن المغيرة il a combattu le prophète صلى الله عليه وسلم جدا قال لما كان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض فأخذ حفنة من تراب فسجد عليها هذا الوليد بن المغيرة il était vieux il pouvait pas se prosterner tellement ils étaient contents tellement qu'ils attendaient ça tellement ils ont cru خلاص le prophète صلى الله عليه وسلم va arrêter de nous combattre حتى c'est leur imam ça les dérange pas ils le suivent لكن l'essentiel il les combat plus حتى هذا il était vieux il pouvait pas se prosterner il a pris un peu de terre et il a fait hakada يعني lui aussi il s'est prosterné assis tellement qu'il voulait et tellement qu'il était content قال فشاع الخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين c'est ça la rumeur qu'il y a eu la rumeur الان ان مكة le prophète صلى الله عليه وسلم خلاص il a enfin fait la paix avec les mushriks et c'est bon ils sont tous d'accord قال وانه أقرهم على عبادة الله والعزة ومنات من أجل طلب الشفاعة. C'est ça la rumeur qu'il y a eu là. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il est d'accord qu'il demande l'intercession à ses idoles. C'est ça l'un, le point où ils n'étaient pas d'accord. Le fait de demander l'intercession à des créatures pour qu'ils les rapprochent d'Allah. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Enfin, ils ont prétendu, le prophète صلى الله عليه وسلم, il était d'accord. معاذ الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a jamais été d'accord pour le shirk, pour le kufr. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'assoum. Il a appuyé par la révélation. Lakin, c'est shaitan. Shaitan, il a voulu les égarer, il les a égarés encore plus. Après ça, dès qu'ils vont comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas d'accord, ils vont le combattre encore plus. Qala, wa wasala al-khabar ila al-muhajirin fi ardi al-habasha min al-muslimin anna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam tasalaha huwa wal-mushrikoun. Ou anna al-mushrikin aslamu. C'est ça la rumeur qu'il y a eu. Anna, les mushriks, ils ont enfin suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous prosternés. Enfin, la nouvelle, elle est arrivée aux compagnons qui étaient en Éthiopie, en Abyssinie, plus précisément, à l'époque. Enfin, ils sont revenus. قال فعادوا من الحبشة فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقهم على المسلمين. Dès qu'ils sont arrivés à Mecca, ils ont vu que c'était pas vrai. Ils ont vu que le kafir, le mushrik, ils ont compris que le prophète صلى الله عليه وسلم il était pas d'accord. Ils ont compris que le prophète صلى الله عليه وسلم أبدا il a dit هذا. Ils ont combattu. Enfin, les Sahaba, ils sont revenus et les mouchriks, ils les combattent toujours. Pourquoi ils les combattent ? Pourquoi ils les combattent ? L'Ahlou l'a compris. Les Anna, ils ne sont pas d'accord avec leurs idoles. Les Anna, ils combattent leurs idoles. قال فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الكلمات تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى حزن حزنا شديدا. Aïe, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a été triste. قال وأصابه هم شديد حتى أنزل الله قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم فالسيرسال يدسندو sur le prophète عليه الصلاة والسلام قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الشيخ الفوزان حفظه الله إلى ستة طول فيرسات في سورة الحج قال فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخه قال يعني أزاله وأحكم أي ثبت آياته أو آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها هذا حاصل القصة c'est ça l'histoire en résumé أن le prophète صلى الله عليه وسلم il a récité سورة النجم Et Shaitan, il a fait croire que le prophète sallam il a dit tel qu'al gharaniq al ula fa inna shafa'atahunna la turtaja. Aïe, le prophète Shaitan il a insufflé à dal kalam dans les oreilles des mushriks. Anna le prophète sallam il a dit had. Aïe, le fait de demander l'intercession à ses idoles, c'est une chose que vous pouvez espérer. Aïe, c'est autorisé. Et nahnu aussi anna al qissa fiha nazar. Cheikh Fawzan an il va citer un nabad al-ulama, ils ne sont pas d'accord avec ce qissa. Et que le sanad, la chaîne de transmission, elle est daïf. قال وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة أي متصلة أي ابن عباس il rapporte cette histoire d'après le prophète sallam, c'est le prophète sallam qui a raconté. هذا لا يثبت. Il y a un autre sanad des autres chaînes de transmission, les tabi'in ils rapportent direct l'histoire. Il n'y a pas de sahabi, il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission. Ça s'appelle al-mursal. Al-Mursal, c'est le prophète sallam, c'est celui qui est venu, la génération après les compagnons, ils disent le prophète il a dit. Maintenant, Saïd ibn Musayyib, il dit qala ar-rasoul. Saïd ibn Musayyib, il n'a jamais rencontré le prophète. Il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission. Ça s'appelle Al-Mursal. Aïe, le tabi'i, la génération qui a suivi les compagnons, il rapporte direct une histoire ou une chose que le prophète sallam il a fait. Direct. Voilà. Enfin, beaucoup des asanites, elles sont mursalah, comme il a dit. وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير نعم ابن كثير الذي سين قصة منكرة قال وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة مقطعة تكلموا فيها وهذا هو الصحيح أن toutes les chaînes de transmission il y a un ضعف إما c'est du mursal il manque une personne il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission إما une personne de la chaîne de transmission elle est faible المهم l'histoire elle n'est pas صحيحة قال ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء يقول القصة جاءت من طرق مختلفة ومتبينة المخارج فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعض هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر الظاهر أن كما قال ابن كثير أن toutes les chaînes de transmission elles sont faibles. الحافظ ابن حجر رحمه الله il dit, c'est un imam في الحديث, il sait que les chaînes de transmission elles sont faibles, لكن هو il voit que ce faible avec ce faible avec ce faible avec ce faible ça fait monter le hadith en degré. والقول صحيح هذا هو القول ابن كثير ان شاء الله demain on lira كلام اهل العلم. قال مقصود الشيخ من اراده من ارادها اي الان pourquoi الشيخ il a cité cette histoire, pourquoi الشيخ il a cité ce troisième point, نحن c'est ça qui nous intéresse. قال ان المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الاصنام على اعتقاد انها تخلق وترزق وتنفع وتضر انما نعبدها طلبا للشفاعه بان تشفع لنا عند الله عز وجل. نعم معروف هذا on l'a vu en détail في القاعده الاربعه في كثير من الكتب ان المشرك يجي باك sa statue elle donne la vie, elle donne la mort, لكن ils ont une excuse انهم سان انترميديير. قال فالله ابطل هذا واقر القران على ما هو عليه من ابطال عبادتها وابطل ما القاه الشيطان في تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم وسل نبيه سلاس من التسلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم était triste فإلي ريفيلي سو فيرسي et c'était une tasliya pour النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأذهب عنه الحزن قال بأن هذا يجري مع من قبلك من الرسل فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية في سورة الحج. قال يعني تلا فالتمني هنا معناها التلاوة. On répète le verset وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ هُنَا التَّمَنِّي هُنَا. C'est pas comme tu penses أنت يَتَمَنَّ فُلَان أي il veut, il espère. لا التَّمَنِّي هُنَا c'est التلاوة, c'est la récitation وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أي la récitation التلاوة. فالتمني هنا معناها التلاوة كما في قوله تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي أي تلاوة أو تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني. نعم il s'est appuyé الشيخ الفوزان pour t'expliquer أن التمني dans ce verset c'est التلاوة أي كما في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي بعض الناس يبغى يكونوا pas القرآن إلا أماني ومنهم أميون أمي c'est pas lire pas écrire لا يعلمون الكتاب إلا أماني. Il ne connaît pas le kitab, ou illa la récitation, faqat. Ba'dhum, il sait lire. Lakin, l'explication, il ne connaît pas. Fal amani huna at-tilawa. C'est la récitation. قال ولا يعرفون المعاني وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر نعم وآخره لاقى حمام المقادر قال وهي الليلة التي قتل فيها عثمان نحن nous intéresse du vers de poésie تمنى كتاب الله تمنى أي تلا إلى غير cité كتاب الله قال كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل عثمان يغسيت القرآن ce poète il a appelé la récitation tamanni ça te montre que dans la langue arabe tu peux appeler la récitation tamanni tamanni tout ça c'est pour expliquer le verset في سورة الحج tout ça c'est pour expliquer le verset في سورة الحج On va voir aujourd'hui, on va expliquer Al-Qissa al-Da'ifa comme on l'a expliqué hier. On va citer Kalam al-Imam al-Kathir, Kalam Cheikh al-Albani, ila akhiri. Lakin, à la forte sihatiha, si on dit que la Qissa al-Sahiha, c'est ce qu'ils voulaient nous montrer sur l'islam. Annahum, ils ont cru comprendre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était d'accord avec eux, Mubashara, ils ont fait ce sujoud. Mubashara, ils ont arrêté de le combattre. Dès qu'ils ont compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit ça, ils l'ont combattu de nouveau, ila akhiri. C'est ça. نحنو كي نوز انتريس دو سبوان اما القصه انها ضعيفه لا تثبت اولا اونلي كلام ابن كثير الشيخ الفوزان حفظه الله الى سيتي ان ابن كثير يفواك لا قصه المنكره ضعيفه نحن غاليغ الكلام من الاصل من تفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان jusqu'à la fin du verset ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم سورة الحج verset numéro 52 فكثير من العلماء من المفسرين ce verset il explique avec قصة الغرانير أن ça arrive au prophète صلى الله عليه وسلم إلى آخره ابن كثير هو il est pas d'accord رحمه الله قال قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أي تفسير سورة الحج قصة الغرانيق قال وما كان من رجوع كثير من المهاجرة أي المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا فهم هنا يفيد الاستوار أن سوكم في الهجرة إلى الحبشة Dès qu'ils ont entendu Anna, al-Mushrikin, ils ont fait as-sujoud il-akhiré, ils ont cru que les Mushrikis sont revenus à l'islam. Et ils ont cru que Khalas étaient en sécurité, ils sont revenus. Qala ibn Kathir, walakinnaha min turuq kulliha mursala. Cette qissa, cette histoire, kulliha, toutes ces chaînes de transmission, elles sont mursala. Ma ma'na al-mursal. Il dit toutes les chaînes de transmission mursala. Ma ma'na mursala. كلام الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا التابعين كلام التابعي يدي قال الرسول نحن c'est tous que التابعون ils ont pas rencontré le rasoul c'est pour ça que c'est un tabi'i il aurait rencontré le rasoul ça serait un sahabi parce que le tabi'i il dit le prophète sallam il a dit ou d'après عن النبي صلى الله عليه وسلم d'après le prophète sallam كذا il manque une personne dans la chaîne de transmission Al-Mursal, c'est un qism da'if. Mais là, il manque une personne. Un frère, il peut dire, c'est pas grave, il manque le compagnon. Matalan, an Sa'id ibn Jubayr. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal. Une personne, il peut dire, c'est pas grave, il manque le compagnon. Et les compagnons, ils sont tous, c'est tous des personnes de confiance. Kulluhum udul. Ça fait pas de mal à la chaîne de transmission. C'est quoi la réponse ? Ahsan, peut-être que c'est pas un compagnon. Si c'est un compagnon, la base. Là, le problème, on ne sait pas c'est qui. Il y a des tabi'in, ils prennent un tabi'in. Peut-être qu'il a pris d'un autre tabi'in. Peut-être que ce tabi'in, il a pris d'un autre tabi'in. Après ce tabi'in, il a pris du compagnon. Et le compagnon, il a pris du prophète. Les deux tabi'in ou le tabi'in de la chaîne de transmission qui manque, on ne sait pas c'est qui. Tout ça, bi'idnillah, vous verrez dans Al-Mustalah Al-Hadith. Al-Muhim, c'est que toutes les chaînes de transmission, Qissat al-Gharanib, l'imam al-Kathir, il dit elles sont mursala. Il manque quelqu'un dans les chaînes de transmission. Ou, vous verrez que celui qui lit, nous on ne va pas tout lire, celui qui lit les Asanid, il y a des kadab, il y a un problème dans la chaîne de transmission. القصه لا تثبت قال ولكنها من طرق كلها كل لكنها من طرق كلها مرسله ولم ارها مسنده من وجه صحيح c'est ça la différence c'est que il y a des chaînes de transmission متصله فلان عن فلان jusqu'au prophète il y a pas de manque لكن il y a un faible يعني ضعيف أو كمنكر حديث أو كذاب. أما الشيء de transmission qui sont là, ben s'il y a pas de ضعيف, elles sont mursala, il manque quelqu'un. Et ce manque, la chaîne de transmission elle est faible. Là, il manque quelqu'un, on sait pas c'est qui. قال ولم أراها مسندا من وجه صحيح والله أعلم. الإمام الألباني عليه رحمة الله il a écrit une رسالة et il l'a appelé نصب المجانيق لنصف قصة الغراني. Cheikh l'Albani il a une رسالة que sur ça, c'est une cinquantaine de pages. Et rahimahullah, il prouve, il montre que la qissa est munkara. Il dit dans l'introduction du livre, parce qu'Alani, un hadith al-gharaniq, ay un frère. فأجبته بأنه لا يصح لا يصح أي الحديث. قال بل هو باطل الموضوع باطل موضوع. قال فذكر لي أن أحد الشباب ممن في قلوبهم مرض احتج بي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحاشاه يتكلم بما يرضى المشركين جذبا لهم إليه بزعمه الباطل. فصدق غن أن سفخير نافهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله الوادي ينفخر. Et il l'a bien caractérisé, il est malade, il a le cœur malade, il se sert de cette qissa, pour lui c'est un argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé pour satisfaire le mushrikin, pour les rapprocher, pour qu'ils acceptent l'akhirat, il a dit ce qu'il a. Le Cheikh Al-Albani, il montre, et il montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la qissa est daïfa, ça ne s'est jamais passé. Et c'est le sabab que Cheikh Al-Albani a écrit cette risale. Il dit risale une farida fi babiha qawiyya fi mawdu'iha tarfa hayrat al-akh ila akhiri qala wa qad samaytuha nasb al-majaniq li nasf qissat al-gharani. Cheikh Al-Albani dit c'est la cause qui m'a poussé à écrire cette risale. Il va montrer qu'elle est daïfa. Et il montre que Ibn Hajar dit ça, Ibn Kathir. Et Cheikh Al-Albani, il penche vers la vie de Ibn Kathir, qu'elle est daïfa. Al-Hasil de tout ça, Al-Nastaqissa, elle est daïfa. La tatbut. Wa Talib al-Ilm, il a besoin de ses ulum. Il faut donner un peu de temps à Hadi al-Ulum. Al-Mustalah, al-Usul. Les Al-Nasi ulum, c'est des outils. Ondur, tu peux comprendre Tawhid, tu peux comprendre l'arabe, tu peux lire Kutub al-Mufassirin. Si tu as pas cet outil, Mustalah, pour savoir c'est quoi le mursal, pour savoir, tu comprendras rien du tout. Maintenant, un frère, un, il a jamais fait le mustalah, il lit Tafsir ibn Kathir et il lit ce qu'on a lu là. Kulluha mursala, les toroq, les chaînes de transmission. Ça tenait de l'importance à hada. Les outils, la langue arabe, al-mustalah, al-usul, al-qa'id fiqhiyya. Avec la langue arabe, al-sarf et tout ce qui a rapport avec la langue arabe. C'est muhim jiddan. C'est pour ça que nous, bidnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, dès qu'on finira les kutub de tawhid, si on a fini, bidnillah, l'intention, c'est de faire un livre par fun. C'est muhim. Ça veut dire que nous, on prendra chaque fun et on prendra une risala muhimma. Maintenant, on fera, bidnillah, al-bayquniya dans le mustalah. On fera al-usul, min al-usul, sur l'Utaymi, dans l'usul. On fera al-qawa'id al-fiqhiya, le Cheikh Saadi. Et on verra après. Si on peut faire le hifd avec Tayyib, tu verras que ça va t'ouvrir des portes importantes dans l'ilm. Tu auras des outils, Yenta. Mursal, tu sais c'est quoi? Manquf, tu sais c'est quoi? T'as fait le mustalah. Amma, si t'as pas fait, ça t'attab. Fanahlou, c'est ça l'intention, bi'idnillah, qu'on a, de faire chaque fin une risala. Là, qu'il y a la régularité, ya jama'a. Amma, tu rentres un peu au mustalah, t'as fait 10 cours, t'arrêtes. Le jour où on fait qa'id fiqhiya, on sait bien, il rentre, il a fait 4 qa'id, il arrête. Anta, si tu rentres, tu rentres bidid wa ijtihad. Tu rentres, t'es régulier. Allah subhanahu wa ta'ala, l'ikhlas wa thabat. On finit, on lit, on finit le troisième point. La conclusion, c'est quoi? C'est que la qissa, elle est faible, elle est daïfa. Lakin, ceux qui disent qu'elle est authentique, on se tafait de kada. Et nous, vu qu'elle est daïfa, pour nous, ça, ces choses qu'il va citer, on les comprend avec des autres hadiths. Avec des autres versets, des autres hadiths. قال أن المشركين فرحوا لما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من الشيطان أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به ففرحوا بذلك ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان طلب الشفاعة أو غيره. Les mushrikoun, ils ont été satisfaits dès qu'ils ont cru que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était enfin d'accord avec eux. Enfin, ils ont cru. Hein. Lakin, awalan, ce shaitan qu'a dit, faniyan, nous, on sait que la qissa aslan, elle est daïf. Enfin, c'est pas un argument, hada, abadan. قال الشيخ الفوزان العبادة حق لله عز وجل ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله سمى هذا شركا وأبطله. فدموضي الشفاعة استفوا. Le fait de demander aux idoles, le fait de demander, c'est l'ibada. Tu demandes un mort, là, t'es en train de l'invoquer. Et invoquer autre qu'Allah, t'as pas droit. Wa man yad'u min dunillahi la aghlabuna lahu bih. Inna ma hisabu 'inda rabbih. Innahu la yuflihu al-kafirun. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih. Qala وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي في القصة وإنما قالها الشيطان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جامدي ولو شيخ الفوزان هو حفظه الله يبوز كلا قصة لحسنة صحيحة كما قال الحافظ ابن حجر على القول بصحة القصة الشيطان كبالي سيبا الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبه الفرق. قال وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق. Ça c'est même pas l'ibtila, c'est l'épreuve. Celui qui veut le haq, Allah lui montre le haq. Maintenant l'histoire qu'on a vue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura montré qu'il avait jamais dit ça. Celui qui veut le haq, il revient. Amma celui qui ne veut pas le haq là. Qala hadha qad jara ma'a ar-rusul qabla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama fi al-aya. Qala wa jara alayhi mithlu ma jara ala ar-rusul min qablih. Qala fa hadha fi dalil ala butlan i'tiqad ibadatu al-qubur wa ghayrihim الذين يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم la qissa qu'on a vu qui est va'ifa, النبي صلى الله عليه وسلم il a pas été d'accord معه. Alors que eux ce qu'ils veulent c'est que demander l'intercession. بل الله سبحانه وتعالى في القرآن il nous montre أنه c'est du shirk. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ils veulent se rapprocher d'Allah. Allah il a montré que c'est une ibada. Et dans l'autre verset, il a montré que c'était du shirk. Al-haq, il est wadih, celui qui veut le haq. Mais celui qui ne veut pas le haq, les choses comme ça, et shuba, ou les qissa da'ifa, tu le trouveras, le cœur malade, toujours il s'accroche à ces choses. Qala wa innana law aqrannahum ala dhalik ma sara baynana wa baynahum khilaf wa innama ashtaddat al-adawa baynana wa baynahum lamma ankarna alayhim hadha wa atabarna shirkan kama ankara الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أنكره القرآن في آيات. نعم الله يشفيك بوكو هذا أن المشكلة الآن كنا بك المشركة بك الكافر سكي سيكون با داكور افني والله سكي داكور افك يتلاب يتلاب يديز أنت سي أنت تكادا أنت تكادا بل يبوض من بخوض لغيسك دو سمت دغير توا يعني ستوا لغي مام ستوا كذا لسانسيال تتوا هذا ديك تو بار لا يتكمبات لكن سنة سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن لا بيرسون يباسيونت. قال هذا هو مقصود الشيخ من أراد هذه القصة فهو يقول إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام. نعم المشرك سي تي داكور افيك لي او تو تي tu verras que il prendra pas comme ennemi. قال وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وإنما قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به. نعم هذا سي سا كي فالهم. أما نحن نصي أن هذا الفعل سي دو كفر سي دو شرك أي demander l'intercession à autre qu'Allah. Demander un mort. Là, il y a Jouzé. On a fait le tafsir dans les autres doros, dans le tawassul, dans le shafa'a. Ah, là aussi, c'est un tempé moyen. Dans ce livre, on a dit, on ne dit pas tout. En même temps, vous êtes avec nous, alhamdoulilah, ta'arifouna. En même temps, une personne, il écoute d'ars, il y a des choses, on ne détaille pas. Et on lui dit, reviens au doros d'avant. On a une méthodologie, on fait livre par livre. On ne peut pas tout répéter à chaque fois. Enfin, celui qui veut les détails, on le conseille de faire kitab tawhid. Qu'est-ce que je vois ? قبل هذا وصلت على قاعد أربعة بإذن الله يكمبخندغا هذا يدوما بإذن الله لا لا لا conclusion de ce موضع أن القصة ضعيفة القصة ضعيفة على فرض صحتها الشيخ الفوزان nous a montré أن le but c'est de montrer أن المشرك si crois que t'es d'accord avec lui ou t'es d'accord avec lui ou tu t'es ouais dit le mot il te combattra plus si tu mets un garde contre ses idoles contre son chip il te combattra ça te montre أن la haine qui est entre nous et eux tout ça نحن c'est basé sur التوحيد. La preuve, tu t'es, il ne te combat pas, tu critiques son idole, il te combat. Il te combat la chèque, c'est pour le tawhid que tu appelles et le shirk que tu mets en garde. Enfin, al-sabr, al-sabr et al-ilm, al-ilm. Mais cet appel, il doit être fait bien. Et si tu appelles, tu auras des épreuves, tu dois patienter. Enfin, al-ilm, avec la patience, tout ça avec ikhlas, la personne, inshallah, il sera à la khair. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.